Fresno, Carams, Montpellier. Bienvenue dans mon encre, voici mon sacre, serre-moi la foi, dur et tendre, personne doit m'attendre. Je laisse pisser, continue à teaser, ne pas être à la risée, mais leur prouver que vrai sera mon projet. Je me projette de rentrer dans beaucoup de têtes, de pas prendre que les restes. Je viens pas de la Tessie, mais je suis pas le Golemon, le crème sans carton de Marie Gaumont qui rend pantalon. Tu tâches mon art, le noblard plus violent que de la boxe. Ma voix commence en gonflant le torse. MC boss pour devenir le boss. Tous, on a notre chance, demande à mon sauce, Narcos comme c'est hoche. Ça rien dans les poches pour se faire écouter sous les porches. Même que le gavé nous écoute dans la Porsche. Souvent torché avec mes proches. Ça finit à l'embrouille avec 2-3 magouilles et la bague te fouille. Le matin, la tête dans le cul. Artiste inconnu avec un cœur cousu, j'ai dû le recoudre. Car un coup de foudre devient vite de la poudre. La plume, la seule qui m'a jamais trahi. Ami, elle est si câline quand je déprime. Si débile quand je pars dans l'ego trip, si agile pour viser le mille. C'est avec ça que j'avance, j'écris pour laisser mes traces. Le poète moderne, aux visions souvent trop ternes. Ma mère, ma reine, que la lumière s'éteigne. Que la nuit nous prenne, que tout le monde soit de bonnes graines. Adieu la haine, place au je t'aime. Je lâche tout, prenez-moi pour un fou, dans la foule je m'étouffe. C'est juste la liberté qui me fait vibrer sur cette zique au violon ensorcelé. On a tous des histoires différentes, pour certains magnifiques et pour d'autres déprimantes. Si ma musique reste attirante, c'est que mes mots sont réels. Que faire à part retranscrire des émotions réelles? Je parle de ce que je connais le mieux de ma vie, qui est peut-être la même que la tienne. Et si t'adhères à mes thèmes, je te dis à la tienne. Et tu dis comme un poème, ces vers qui viennent du cœur, loin du rap de haineux, ce milieu parfois mes cœurs. Appelle-moi comme tu veux, je ne suis pas un ermite, je ne fuis pas ma culture, même bouffé par les termites. Je ne représente pas de quartier, juste la jeunesse qui souffre. Moi je suis pas de quartier, mes couplets sentent le souffle. Et si un jour je quitte ce monde, il restera mes écrits. C'est un jeune comme tout le monde, plein de rêves et d'envie. Un jeune comme tout le monde, plein de rêves et d'envie. Plein de rêves et d'envie. De Montpellier à Toulouse, les rêves sont les mêmes. Pour toute la jeunesse, les rêves sont les mêmes. Narcos et nous, les rêves sont les mêmes. Pour toutes mes sistas, les rêves sont les mêmes. Pour tous mes refrains, les rêves sont les mêmes. Quoi qu'il arrive, je resterai le même. En 2007, ok.